britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés. Allez-vous-en un peu lire les préceptes de la santé et demander au médecin s'il n'y a rien de plus préjudiciable à l'homme que de manger avec excès. Il a raison. Apprenez, maître Jacques, vous et vous pareils, que c'est un coupe-gorge qu'une table remplie de trop de viande, que pour se bien montrer ami de ceux que l'on invite, il faut que la frugalité règne dans les repas qu'on donne, et que, suivant les dires d'un ancien, il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Une carte satirique des années 1650, intitulée « Géographie galande », divise le royaume de Galanterie en quatre provinces, entre Mer d'Imprudence, au sud, et Mont de Dépense, au nord. Les trois premières de ces provinces s'intitulent « L'Opulence »,« Le Jeu » et « L'Amour », et la quatrième, reliée de près aux précédentes, « La Bonne Chère ». Eh bien, c'est au cœur de celle-ci que je vais vous faire voyager ce matin, en cette saison de nos fêtes gastronomiques, à l'aube de l'an 9. La province de la Bonne Chère est irriguée par cinq fleuves, politesse, délicatesse, appétit, profusion et ragoût, fleuves qui se déversent dans le lac de Gourmandise. Une dizaine de villes parsèment ce territoire, célèbres pour leurs productions exquises, Angoulême pour ses pâtés, Mayence pour ses jambons, et bien sûr, pour leur vin, Beaune, Condrieu, Chablis ou Frontignan, sans compter cités imaginaires, Grave et Muscat. Si je vous ai déjà mis l'eau à la bouche, je ne le regrette pas et à vrai dire, c'est un peu mon intention. Par quoi je rejoins, sans désemparer, l'ouvrage que vient de publier mon invité de ce matin, Florent Quellier, maître de conférence en histoire moderne à l'université François Rabelais de Tours, et qu'il a intitulé « Festin, ripaille et bonne chère au grand siècle ». Il nous y entraîne dans un tourbillon de plaisir, de joyeuses libations, de belles agapes, entre bon goût et goinfrerie, entre bonheur des sens et méfiance des médecins et des moralistes, entre convention sociale et dévergondage des papilles. Pour commencer, quelques extraits du Dictionnaire universel de Furetière en date de 1690. Écornifler, verbe actif et neutre. Aller dîner chez autrui sans y être invité par un esprit de goinfrerie ou d'épargne. Il n'y a rien de plus honteux à des gens qui ont du bien que d'aller écornifler des repas, écornifler chez autrui. On pardonne aux gens nécessiteux quand ils écorniflent, quand ils escroquent quelques repas. Ce mot vient de excorniculare, ménage. Écorniflerie, substantif féminin, action des cornifleurs, des escroqueurs de repas. Des tables des grands sont toujours pleins d'écornifleurs. On les appelle ainsi piqueurs d'escabelle. Les anciens les appelaient parasites. Et ils ont été de tout temps l'objet des satires. Friandise, substantif féminin, passion que l'on a pour les viandes délicates ou de bon goût. Friandise se dit aussi de toutes les choses qu'on mange pour le plaisir seulement et non pour se nourrir. À l'égard des uns, ce sont des sucreries, des pâtisseries. À l'égard des autres, des cervelas, des jambons, des ramequins. Cet homme a toujours quelques friandises dans sa poche. On dit proverbialement qu'une femme a le nez tourné à la friandise pour dire qu'elle a la mine, la physionomie d'être amoureuse. Ripaille, substantif féminin. Terme populaire qui signifie grande chair, débauche. Rions, chantons, faisons ripaille. Ce proverbe a pour auteur Amédée VIIe du Nom, dernier comte et premier duc de Savoie, lequel, âgé de 56 ans, prit résolution de quitter le grand monde et, ayant remis les états entre les mains de Louis, son fils aîné, l'an 1439, se retira à Ripaille, lieu solitaire sur le bord du lac de Genève. Il prit l'habit d'ermite de l'ordre de Saint-Maurice et s'y fit traiter de viande très exquise et de vin fort délicieux le reste de ses jours. Florent Quélier, bonjour. Bonjour et merci de me convier à faire bonne chère avec vos auditeurs et la culture du grand siècle. Eh bien, c'est ce que nous allons faire, assurément. Je vous ai proposé une lecture par Guillaume Gallienne et Roland Bertin de définitions qui sont extraites donc du Dictionnaire universel d'Antoine Furtière, 1690. J'ai emprunté cette archive à l'émission de Gallienne, « Ça peut pas faire de mal » sur France Inter, le 26 décembre 2009. Je suis frappé du fait de voir déjà se mêler des injonctions à l'étude des coutumes, du coutume de la bouche. D'ailleurs, une expression typiquement 17e, c'est « tenir table ». « Tenir table » est une injonction sociale. Pour tenir votre rang, vous devez faire bonne chère. Donc « bonne chère », ce n'est pas uniquement un plaisir, c'est aussi une obligation. Et je crois que c'est vraiment important de garder ces deux éléments à l'esprit, à la fois l'obligation de tenir son rang par un certain nombre de consommations ou par des occasions que l'on doit célébrer et en même temps présenter un bon visage, se faire plaisir. Les deux sont totalement liés. Bonne chère, bon visage, nous ne le savions peut-être pas. Et l'étymologie est intéressante parce que on nous parle de celle de Ripaille. Est-ce que vous agréez cette analyse de Furtière ou vous permettez quelques dissonances? Alors, je vais me permettre d'être très critique concernant cette étymologie de Ripaille. En réalité, on ne sait pas, encore aujourd'hui, on ne sait pas quelle est l'origine de Ripaille. Celle-ci est charmante, en tout cas, celle qu'on nous propose. Elle est très charmante et elle renvoie à cette culture du 17e, de la maison des champs, de la maison des campagnes, cette maison de bouteille où on va faire bonne chère. Ça peut être Versailles pour la famille royale, ça peut être Meudon, ça peut être un simple pavillon pour des bourgeois, mais il y a toute cette culture. Alors par contre, sur bonne chère, là, l'étymologie est beaucoup plus assurée, puisque bonne chère vient du français médiéval, qui veut dire faire bon visage, présenter un bon visage. Et jusqu'au XVIe siècle, bonne chère n'implique pas obligatoirement de la nourriture ou de la boisson. Par contre, à partir du XVIIe siècle, bonne chère implique obligatoirement le repas offert ou le repas donné. Donc on est totalement dans cette image de la convivialité et le fait d'avoir un bon visage lorsqu'on est à table, puisqu'il y a des bonnes manières respectées, il y a des sujets de conversation à aborder. À partir du 17e, donc bonne chère à l'acception que nous avons encore aujourd'hui pour faire bonne chère. Le mot décornifleur, c'est un joli mot qui a d'ailleurs évolué, me semble-t-il, dans le temps. C'est un parasite qui n'est pas seulement un parasite de la bonne chère, mais aussi de la belle dame, dans le roman de Jules Renard des années 1890, qui s'appelle précisément « Les cornifleurs ». Alors, au 17e, on n'est que sur un parasite de table. On est sur la dimension uniquement de table. Et les cornifleurs renvoient à cette obligation de tenir table, en réalité. C'est-à-dire c'est à la fois une nécessité et inévitable. D'autres termes, comme les cherche-midi, comme les tondeurs de nappes, par exemple. Et pour tenir table, tondeur de nappe, c'est une jolie image. Ce sont des gens qui viennent pour participer au repas, mais qui doivent payer quelque chose. C'est-à-dire qu'on est dans une logique du don contre don, si on raisonne comme Marcel Mauss. C'est-à-dire que l'amphitryon montre sa puissance sociale en ayant des personnes à sa table, et les personnes qui sont présentes à la table vont égayer le repas par des contes, par des plaisanteries. Donc on est vraiment sur cette logique du don contre don. Contrairement à ce qu'on pourrait aujourd'hui croire avec uniquement la dimension parasitisme. Je voudrais d'abord que nous restituions ensemble, Florent Quélier, ce que peut être un bon repas au grand siècle. Quels sont les mets de la bonne chère que vous venez d'évoquer? Alors les mets de la bonne chère, tout d'abord le pain. Le pain est essentiel, le pain blanc, le pain frais si possible, le pain étant la première des gourmandises partagées par l'ensemble de la population. De manière occasionnelle, il est vrai pour la paysannerie, éventuellement pour le temps des noces. Pour les enfants, c'est la récompense, hein, la bisque et le petit pain que l'on offre aux bons écoliers, au 17e notamment. Par rapport à quels autres pains? Par rapport au pain noir, au pain métail, à du pain qui peut être plus dur et consommé traditionnellement rassis, sauf pour les élites où là on consomme un pain blanc frais. On n'a pas du tout la même qualité de pain ni la même qualité de farine. Le pain est donc un marqueur social dans ce 17e siècle que nous considérons ce matin. C'est un marqueur social, mais déjà pour l'époque médiévale, et il le sera au 20e siècle également, en fonction de la qualité de la farine. Alors outre le pain, le vin évidemment, vin qui est consommé coupé avec de l'eau en France au XVIIe. Comme chez les Romains d'ailleurs. Exactement, ce qui explique d'ailleurs les remarques dans les notices de Furtière concernant l'ivrognerie des peuples du Nord qui, eux, au contraire, consomment le vin pur. Et Montaigne, déjà au XVIe siècle, lorsqu'il se rend en Allemagne, il est très surpris de voir que les Allemands peuvent consommer du vin pur. Pour lui, c'est vraiment la preuve de l'ivrognerie de ces peuples du Nord, alors que les Français ont cette image de sobriété comme les peuples du Sud. J'observe qu'il y a là d'ailleurs un stéréotype qui perdure aujourd'hui souvent en direction des Scandinaves. Et on a également cette image qui est associée aux Polonais, aux Slaves. Ces stéréotypes se fixent réellement à la fin du Moyen-Âge et à l'époque moderne et on vit. Alors derrière, il y a aussi toute la théorie des climats. On disait déjà « sous comme un Polonais » L'expression existe, oui. On a déjà cette idée-là. On a des témoignages, liens très forts entre l'aristocratie française et l'aristocratie polonaise au XVIIe, XVIIIe siècle, et les aristocrates français sont très surpris de la consommation d'alcool en Pologne, qui ne correspond pas à la manière de boire le vin en France. Il y a un goût du gras qui est frappant, peut-être plus qu'aujourd'hui. On se méfie des nourritures grasses. Et d'ailleurs, il y a des campagnes aujourd'hui, aux États-Unis ou ailleurs, pour empêcher que les adolescents n'enflent trop en mangeant trop gras. À l'époque, le gras est regardé de façon très positive dans l'ensemble. Exactement, c'est une des grandes différences entre la bonne chère actuelle et la bonne chère de l'époque médiévale ou de l'époque moderne. Pour l'époque médiévale et l'époque moderne, nous sommes au contact d'une société lipophile qui aime le gras, qui rêve de manger du gras. La bonne viande, c'est la viande grasse, c'est celle qui va être rôtie. En plus, cette viande grasse rôtie est également copieusement lardée, donc ça rajoute encore du gras. Dans les fables de La Fontaine, la bonne viande, celle qui est destinée au loup, le loup qui représente les grands, ou la viande qui est destinée à l'aigle, qui est l'emblème jupitérien, ou la viande qui est destinée au lion, le lion représente le roi, est toujours une viande grasse. Et pour l'ensemble de la société, il y a ce goût du gras. On a même des témoignages de jésuites dans les années 1630 qui évoquent des rêves de paysans français qui rêvent de boire directement de la graisse. C'est même pas la viande grasse, c'est vraiment la graisse. Le terme qui est utilisé pour parler dès le Moyen-Âge d'un amateur de bonne chère, c'est le terme de friand. Et friand renvoie bien à la graisse. Friandise, pour nous, c'est autre chose, c'est plutôt du sucre. Oui, mais le sucre arrive beaucoup plus tardivement. C'est-à-dire que on est dans une société où les friandises sont essentiellement salé dans un premier temps. C'est vraiment à la fin du XVIIe qu'on voit se développer tout un commerce de bonbons et donc de sucreries. Mais là, c'est quand même davantage pour les élites. Pour l'ensemble de la population, on est sur des friandises qui renvoient au salé. Et le mets friand par excellence, c'est le pâté. Le pâté qui est de la pâte avec à l'intérieur de la farce. C'est la farce que l'on consomme. Donc on casse la croûte. C'est de là que vient l'expression casser la croûte. C'est-à-dire que l'on casse la croûte que l'on ne consommait pas afin de consommer la farce qui est à l'intérieur de la croûte. La pâte était là simplement pour permettre la conservation de la farce et la circulation. Et encore aujourd'hui, le friand est une pâte feuilletée avec de la chair à saucisse à l'intérieur. Et là, on est totalement dans un héritage de l'époque médiévale et moderne où on était vraiment sur cette nourriture qui faisait saliver la population. D'ailleurs, les friandises, au sens de sucre, oui, ont une signification sociale puisqu'on les attribue plutôt au goût des femmes ou des efféminés. Des élites, des femmes et des efféminés. Effectivement, c'est au cours du XVIIe siècle qu'on commence à vraiment sexuer la nourriture avec l'idée qu'il y aurait une nourriture virile qui serait la nourriture salée et une nourriture féminine qui serait la nourriture davantage sucrée. Et il y a toute une réflexion sur la virilité où les hommes efféminés auraient un goût prononcé pour les confitures. C'est le cas de Monsieur, frère du roi, qui par exemple, avait semble-t-il des préférences qu'il conduisait hors de la norme ordinaire. Alors, quand on prend les portraits que Saint-Simon dresse de monsieur, il présente monsieur mangeant toute la journée des sucreries, des friandises sucrées, des confitures qu'il porte dans ses poches, qu'il a également dans ses meubles, dans les tiroirs de ses meubles. Et derrière, ce goût prononcé pour les confitures est une façon pour Saint-Simon d'évoquer le côté efféminé de monsieur. Or, ceci dit, on a quand même des personnes à l'hétérosexualité indiscutable qui aiment également les confitures. Henri IV, Louis XIII, Louis XIV adorent les meringues, adorent la limonade, etc. Mais au cours du siècle, on voit bien que progressivement, il y a une séparation homme-femme autour de ces friandises. Si on prend la définition de friandise donnée par Furtière, Furtière présente bien deux types de friandises. Les friandises salées, des charcuteries, etc., et des friandises sucrées. Et on n'a pas une complémentarité salée-sucrée, mais on a bien une concurrence. Il y a ceux qui préfèrent le sucré et ceux qui préfèrent le salé. Et avec le sucré, il y a systématiquement une référence sexuelle que l'on n'a pas avec le salé. Par exemple, vous avez une expression du XVIIe siècle qui est « avoir le nez tourné à la friandise » désigne les femmes qui aiment la galanterie, qui aiment la bagatelle. Très souvent, lorsqu'on évoque la gourmandise des femmes, il y a une référence sexuelle qu'on n'a pas forcément du côté des hommes. Et lorsque l'on évoque les directeurs de conscience de femmes au XVIIe, on évoque très souvent le goût de ces directeurs de conscience pour le sucré, qui peut à la fois souligner l'ambiguïté sexuelle du confesseur en quelque sorte. Alors, bon. Est-ce que le confesseur a des goûts de femmes parce qu'il est efféminé, ou est-ce qu'il a un goût pour les femmes, et donc dans ce cas-là, on est sur l'image du Tartuffe qui veut se rapprocher de la maîtresse de maison. Je voudrais vous faire entendre une chanson du XVIIIe siècle, un peu plus tardive, qui s'appelle « Chanson à manger ». C'est une chanson qui marque qu'il ne suffit pas de boire, qu'il faut aussi manger, vous allez voir. Une chanson qui a été restituée par Lemaire et Wecquerlin au XIXe siècle. Ils se sont penchés vers le folklore précédent et qui est interprété ici par André Mondet au Lapin Agile, le fameux cabaret de Montmartre, en juin 1950. Toi, toujours des chansons à boire, n'entendrai-je jamais des chansons à manger. De la vigne partout, on célèbre la gloire. Personne ne dit mot du jardin potager. Quel charme, quel plaisir, quand la faim nous domine, de dévorer un gigot de mouton. Est-on là de manger perdrix et mécassine? On ranime son goût d'un turbot excellent. Le vin par un effet étrange met tous mes sens en désarroi. Je perds la raison quand je bois, je la retrouve quand je mange, je la retrouve quand je mange. Un regard jeté sur l'usage de la raison qui se perd dans la boisson, qui se retrouve quand on mange. Est-ce que c'est du temps, Florent Quellier, je veux dire, de votre XVIIe siècle, ou bien est-ce que ça dépasse ce siècle? Alors, ça dépasse ce siècle, hein, ça correspond à la sensibilité du XVIIe, mais ça dépasse largement ce siècle, et ça reprend le thème de l'ivresse joyeuse, qui est un thème très très présent dans la culture française encore aujourd'hui, avec les fameuses chansons à boire. Et les chansons à boire au XVIIe ont l'intérêt de concerner une population très très large, puisqu'on en trouve pour les milieux populaires jusque dans l'entourage du roi. Et ces chansons à boire renvoient à l'importance du paysage sonore de la grande chaire. La grande chaire, c'est pas uniquement des mets, c'est pas uniquement des boissons, c'est également un paysage sonore de la musique, des chansons à boire. Les rires et la conversation. La conversation qui est essentielle. Il ne peut pas y avoir de bonne chaire sans bonne conversation. Il faut qu'il y ait des échanges entre les convives. L'endroit où on ne parle pas sous l'Ancien Régime est le réfectoire. Le réfectoire du couvent, par exemple. Et là, il y a une pénitence. Il y a une notion de pénitence alimentaire. Alors que pour la bonne chaire, on est au contraire dans les plaisirs de la vie. Et donc, il faut que l'on parle, que l'on échange. Le gentilhomme, normalement, doit maîtriser l'art de la conversation, et beaucoup de sujets peuvent être abordés à table. C'est au fond un temps assez pacifié qui est propice à la cohésion sociale, en tout cas à l'intérieur d'une classe. La bonne chère, effectivement, est un temps pacifié, est un temps qui exclut la violence. C'est un temps sans violence, c'est un temps où on va communier dans les mêmes valeurs. C'est-à-dire la convivialité, c'est ça également, c'est-à-dire qu'on partage des valeurs communes, et ces valeurs communes, on va les indiquer, notamment par les paroles échangées, par le fond sonore également, qui accompagne la bonne chère et qui permet d'unifier les convives dans la même bulle, pour montrer que l'on partage réellement un un fonds culturel commun. Et c'est là qu'on en vient aux règles qu'on impose et qui ne sont pas forcément les mêmes dans le peuple ou ailleurs, mais sûrement pas, et qu'on trouve d'ailleurs rassemblés dans les premiers traités de savoir-vivre sur quoi vous êtes penché, Florent Quélier, pour préparer votre livre sur cette manière d'être à table au grand siècle. Oui, on a souvent tendance à comprendre la convivialité comme une valeur positive, en tout cas aujourd'hui, et on oublie que la convivialité repose également sur une contrainte. La contrainte, c'est le respect de l'autre ou le respect des autres, et vous avez un certain nombre de règles qui ont été codifiées sur plusieurs siècles pour pouvoir rendre acceptable le fait de manger ensemble et de manger sans dégoûter ses convives ou les personnes qui sont en vis-à-vis de vous. Alors, ce mouvement de codification des manières de table réapparaît au XIIe, XIIIe siècle. Donc, on est vraiment sur un mouvement pluriséculaire, réapparaît puisque il existe déjà des traités de savoir-vivre pour l'époque gréco-romaine. Je pense par exemple aux travaux de Robin Nadeau sur les manières de table pour la Grèce antique ou la Rome antique. Mais ça réapparaît en Occident au XIIe, XIIIe. Et au XVIIe siècle, on voit qu'il y a un durcissement en quelque sorte de ces règles, que ça devient de plus plus contraignant, notamment pour la génération 1650-1670. C'est là vraiment probablement qu'on a une offensive particulièrement stricte. Et vous avez une règle de politesse qui apparaît au XVIIe siècle, qui est une règle qui est encore valable dans le domaine français, qui est l'idée que l'on doit consommer ce que l'on vous sert. Et cette nouvelle règle de politesse apparaît au tout début du XVIIe siècle, notamment dans les communautés religieuses. Et à la fin du siècle, on voit que c'est une règle qui est présente dans tous les traités de civilité. On développe même l'idée que les dégoûts sont purement imaginaires. Donc on est à mille lieues de ce qu'aujourd'hui on peut vivre dans le monde anglo-saxon avec les alimentations particulières, par exemple. Mais Boileau, dans la fameuse satire consacrée à ce qu'il a appelé le repas ridicule, explique exactement ce que sont ces dégoûts et en creux, en quelque sorte, enseigne ce que doit être le savoir-vivre du côté des plaisirs de la table. Je vous en lis un extrait. Vous vous rappelez qu'il arrive chez un personnage qu'il a invité en lui faisant espérer des moments exquis et puis qu'il le déçoit progressivement. On avait annoncé que Molière serait là, il n'est pas là, bien sûr. Par le chaud qu'il faisait, nous n'avions point de glace. Point de glace, bon Dieu, dans le fort de l'été, au mois de juin. Pour moi, j'étais si transporté que donnant de fureur tout le festin au diable, je me suis vu 20 fois prêt à quitter la table. Et dût-on m'appeler effantasque et bourru, j'allais sortir enfin, quand le rôt apparut. Sur un lièvre flanqué de 6 poulets étiques, s'élevaient 3 lapins, animaux domestiques, qui, dès leur tendre enfance élevés dans Paris, sentaient encore le chou dont ils furent nourris. Autour de cet amas de viandes entassées régnait un long cordon d'alouettes pressées, et sur les bords du plat, 6 pigeons étalés présentaient pour renfort leurs squelettes brûlés. À côté de ce plat paraissaient 2 salades, l'une de pourpier jaune et l'autre d'herbe fade, dont l'huile de fort loin saisissait l'odorat et nageait dans des flots de vinaigre rosa. On pourrait continuer, mais oui. C'est assez clair. Alors c'est un texte qui est particulièrement précieux pour comprendre ce qu'est un bon repas au XVIIe siècle, puisqu'il n'y a que des erreurs qui sont commises. Par contraste, en creux, en quelque sorte. En creux, par défaut, en analysant le document. Par exemple, le vin est consommé frais à l'époque moderne. Or là, la glace n'a pas été prévue. Pourtant, nous sommes dans une période caniculaire. En tout cas, il fait chaud, si on en croit Boileau. La glace, on la fait venir de loin, de la montagne Non, pas forcément. On la fait venir notamment des glacières, des grottes artificielles qui sont creusées dans les jardins aristocratiques. C'est-à-dire que l'hiver, on récupère l'eau qui a gelé sur les pièces d'eau et on entrepose cette glace dans des grottes artificielles. Et ensuite, on peut avoir ainsi de la glace toute l'année. Boileau dit d'autre part que le rôti est horrible. Alors le rôti est horrible, mais c'est le rôt. Et le rôt, c'est le service de la viande rôtie dans un repas à la française. Un repas à la française avait une séquence de différents services. Et le service le plus important est celui de la viande rôtie, d'où le nom de rôt. Donc c'est normal d'avoir un rôt dans un vrai repas. Sauf que malheureusement, les viandes ne sont pas de qualité, puisque ce sont des viandes assez maigres, elles sont pas grasses. On a donc ces poulets étiques et on a surtout des lapins de clapier au lieu de lapin de Garenne. Le lapin de Garenne serait une référence au domaine, serait une référence à ses propriétés, Donc ce serait une façon d'indiquer que l'on est bien né, que l'on a une position sociale. Le lapin de Clapier, en réalité, c'est un lapin qui a été acheté à Paris, dans le marché de la vallée, hein, sur les bords de la Seine. Quant aux salades, le roux, effectivement, est toujours accompagné de salades au XVIIe siècle. La salade est là pour réveiller un petit peu l'appétit, pour relancer le courage des convives dans des repas qui sont quand même assez copieux. La salade est un moment essentiel dans cette économie d'un repas à la française. Dans ces repas à la française très copieux, ça durera au moins jusqu'à la Troisième République. Quand on revoit les dîners ou les déjeuners, par exemple, de la Chambre des députés ou du Sénat, on est assez sidéré. On se demande comment tout ça pouvait être ingéré par les parlementaires. Alors, en sachant, pour l'époque moderne, qu'une partie des plats retourne en cuisine sans avoir été touchée. C'est-à-dire que l'on est dans une forme de gaspillage symbolique. Ce qui n'est pas le cas chez Boileau, parce que là, les quantités ne sont pas suffisantes en plus. Mais dans un vrai repas à la française, il faut qu'il y ait une abondance de nourriture. Et ce que l'on veut montrer, c'est l'abondance. Donc, les plats peuvent très bien être présentés aux convives, retirés assez rapidement et se retrouver sur des tables secondaires, voire en cuisine. Et en cuisine, ça peut être consommé par les domestiques ou revendu par les domestiques. C'est ce qu'on appelle les arlequins. Les arlequins, exactement. Tout le système du regras qui fait partie de la manière de rémunérer les domestiques sous l'Ancien Régime. Donc on est sur un gaspillage qui est un gaspillage symbolique, contrairement à aujourd'hui où il y a un véritable problème avec du gaspillage alimentaire. Là, on joue en faisant croire qu'il y a un gaspillage dans une société qui est une société de pénurie. Au XVIIe siècle, la famine peut encore frapper. Vous êtes par exemple la terrible famine de 1693. La disette est encore fréquente et il y a des augmentations assez régulières du prix des céréales avec les chertés, etc. Donc dans ce contexte de culture de la faim, le repas à la française est là pour montrer une supériorité sociale par une abondance carnée notamment. Ce que vous nous confirmez, Florent Kelly, en somme, c'est que la manière de manger, de boire, les pratiques de la table renseignent sur une certaine identité d'une société, sur ses équilibres. Et dès ce moment-là, tenir son rang à table est en fait une obligation sociale. C'est avant tout une obligation sociale, c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir des pratiques alimentaires conformes à son rang social. Alors ça, on le voit par exemple très bien avec les évêques, par exemple. Dans le cadre de la réforme catholique, il faut que l'évêque tienne son rang, puisqu'il est le représentant de l'Église dans le diocèse. Et donc, il est normal que l'évêque ait des dépenses de table importantes, pour bien indiquer qu'il représente le pouvoir hiérarchique de l'Église dans son diocèse et qu'il ait des dépenses de table supérieures aux dépenses de table d'un simple curé. On le voit également avec la famille royale. On a une lettre de Madame de Maintenon au tout début des années 1680 où elle se plaint du comportement du confesseur de la reine Marie-Thérèse, confesseur qui interdit à Marie-Thérèse la pratique du medianoche, le medianoche, hein, si on le prononce à l'espagnol, c'est-à-dire le passage à minuit une d'un jour maigre à un jour gras qui est marqué par une consommation de viande. C'est-à-dire du vendredi au samedi en général. Par exemple. Où là, on va indiquer que l'on passe dans un jour gras en consommant de la viande. Le confesseur de Marie-Thérèse n'apprécie pas ce comportement alimentaire. Madame de Maintenon dit que le confesseur ne tient pas compte du statut de Marie-Thérèse. Marie-Thérèse n'est pas une carmélite. Marie-Thérèse doit se comporter comme une reine de France. Autre exemple avec Louis XIV. Lorsque la famille royale d'Angleterre est en exil en France après la Glorieuse Révolution, après donc 1688-1789... Jacques. Avec Jacques de Stuart, oui. Lorsque cette famille se trouve à Fontainebleau, avec le roi est obligé de faire grande chair parce qu'il reçoit un autre roi. Quand bien même le corps physique du roi souffre, le roi symbolique est obligé de faire bonne chair pour tenir son rang. Indirectement, on voit l'importance de ces repas pour tenir son rang dans l'Avare, l'Avare de Molière, lorsque Harpagon fait tout ce qu'il peut pour que le repas qu'il est contraint de donner coûte le moins cher possible. Je vous propose une interprétation de la Comédie française qui remonte au 10 mai 1951 avec Denis Dinès dans le rôle d'Harpagon, Roland Alexandre dans le rôle de Valère. C'est le potentiel gendre qui fait semblant d'approuver en tout Harpagon pour lui plaire. Et Georges Baconnet dans le rôle de Maître Jacques qui, en l'occurrence, joue le rôle d'intendant. Au sein, Maître Jacques, approchez-vous. Je vous ai gardé pour le dernier. Est-ce à votre cocher, monsieur, ou bien à votre cuisinier que vous voulez parler, car je suis l'un et l'autre? C'est à tous les deux. Mais à qui des deux le premier? Au cuisinier. Attendez donc, s'il vous plaît. Quel genre de cérémonie est-ce là? Vous n'avez qu'à parler. Je me suis engagé, maître Jacques, à donner ce soir à souper. Oh, merveille. Dis-moi un peu, vous feras-tu bonne chère? Oui, si vous me donnez bien de l'argent. Que dire de l'argent? Il semble qu'il n'a rien, autre chose à dire. De l'argent. Ah, énonce ce mot à la bouche. De l'argent, toujours parler d'argent. Voilà le répit, chevet. Je n'ai jamais vu de réponse plus impertinente que celle-là. Voilà une belle merveille que de faire bonne chère avec bien de l'argent. C'est une chose la plus aisée du monde. Il n'y a si pauvre esprit qu'il en fit bien autant, mais pour agir en habile homme, il faut parler de faire bonne chère avec peu d'argent. Bonne chère avec peu d'argent? Et oui. Alors, ma foi, monsieur l'intendant, vous nous obligerez de nous faire voir ce secret et de prendre mon office de cuisinier. Aussi bien vous mêlez-vous séant d'être le facteur. Qu'est-ce qu'il nous faut là? Et voilà, monsieur votre intendant, qui vous fera bonne chère pour peu d'argent. Faut que tu me répondes, alors. Combien serez-vous de gens à table? Nous sommes 8 ou 10. 10? Mais il ne faut prendre que 8. Quand il y a à manger pour 8, il y en a bien pour 10. Non, cela s'entend. Eh bien, il faudra 4 grands potages et 5 assiettes. Potage, entrée. Que dire, voilà pour traiter toute une ville entière. Oh. Maîtresse, tu manges tout le monde. Mais entremets. Encore? Est-ce que vous avez envie de faire crever tout le monde? Et monsieur a-t-il invité des gens pour les assassiner à force de mangeaille? Allez-vous-en un peu lire les préceptes de la santé et demander au médecin s'il n'y a rien de plus préjudiciable à l'homme que de manger avec excès. Il a raison. Apprenez, maître Jacques, vous et vos pareils, que c'est un coupe-gorge qu'une table remplie de trop de viande. Que pour se bien montrer ami de ce que l'on invite, il faut que la frugalité règne dans les repas qu'on donne. Et que, suivant les dires d'un ancien, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Oh, que c'est bien dit. Approche. Approche que je t'embrasse pour ce... Oh, voilà la plus belle sentence que j'ai entendue de ma vie. Il faut vivre pour manger et non pas manger. Ah bah non, c'est pas ça. Comment est-ce que tu dis? Qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Oui, entends-tu? Et quel grand homme qui a dit ça? Je ne me souviens pas maintenant de son nom. Souviens-toi de m'écrire ces mots, tu veux faire graver en lettres d'or sur la cheminée de ma salle. Je n'y manquerai pas. Et pour votre souper, vous n'avez qu'à me laisser faire, je réglerai tout cela comme il faut. Et tant mieux, j'en aurai moins de... France Culture, concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. En refusant de payer le tribut social, en refusant de payer le prix de ce repas du soir, Harpagon nous renseigne sur les mœurs du temps. Comme le dit la pièce de Molière, Harpagon préfère l'argent à l'honneur, à la réputation. Or, la table est là non pas pour dépenser l'argent en réalité, la table est là pour montrer son honneur, pour montrer son rang. Donc il est normal de faire des dépenses de table afin d'assurer la réputation de sa maison, afin d'assurer les bons mariages de ses enfants. Ce que ne fait pas Harpagon. Harpagon est un mauvais père car il ne sait pas utiliser correctement son argent et c'est au cœur vraiment de cette pièce. Et dans l'échange avec Maître Jacques, ce qui est très intéressant, c'est que sur l'extrait sonore que vous avez présenté, on joue la pièce selon la première version imprimée qui est celle de 1669. C'est-à-dire que vous avez un échange où Maître Jacques dit simplement potage, trois petits points, entrée, trois petits points, roux, trois petits points, c'est-à-dire les séquences du repas à la française. Mais on a la chance d'avoir une autre version imprimée de l'Avare de 1682 où les trois petits points ont été remplacés par des mets. Et on pense qu'au XVIIe siècle, l'acteur qui jouait Maître Jacques improvisait et développait ce qu'il y avait dans le potage, ce qu'il y avait dans les entrées, dans les roues. Si on jouait aujourd'hui l'avare selon la logique du XVIIe, il faudrait actualiser en quelque sorte les mets qui vont être servis. Et il y avait probablement un jeu avec les acteurs et le public mondain galant parisien. L'avare, pour des raisons évidemment qui lui sont propres, Florent Quellier prêche pour la frugalité. Mais il n'est pas le seul. Il y a déjà des réflexions sur l'inconvénient de l'obésité. Elle est à valoriser à certains égards, à condition qu'on n'aille pas trop loin. Nous avons eu ici, naguère, une émission avec Georges Vigarello sur les métamorphoses du gras, l'histoire de l'obésité. Il en avait d'ailleurs tiré un ouvrage très, très précieux ensuite. Faut-il être... gras pour montrer que on est prospère ou faut-il rester assez maigre pour prouver qu'on ne te laisse pas aller à tous les dévoiements d'une gourmandise excessive? Alors, comme l'a montré remarquablement Georges Vigarello, il y a une dévalorisation du corps trop gras dès l'époque moderne et pas à l'époque contemporaine, contrairement à ce qu'on croyait avant les travaux de Georges Vigarello. Au XVIIe siècle, vous avez cette notion d'embonpoint, être au juste milieu entre le maigre et le gras. Le maigre étant associé à la maladie, il y a une dévalorisation du maigre. Le trop gros ou le trop gras est également dévalorisé. On pense que quelqu'un qui est trop gras ne peut pas servir le roi. On pense qu'une femme trop grasse ne peut pas avoir d'enfant, mais elle doit quand même avoir des formes. Et on est quand même dans une société où on préfère des femmes qui ont des formes plutôt plantureuses. Par exemple, lorsque Anne d'Autriche, après la fronde, retrouve la grande demoiselle, qui est la nièce, la fille de Gaston. Il la trouve terriblement grossie. Oui, et c'est un compliment. Elle lui dit, je vous trouve plus belle, vous avez engraissé, votre teint est plus beau. La grande mademoiselle trouve ce compliment tellement positif qu'elle l'écrit dans ses mémoires. Il y a aussi le souci de rendre acceptable le spectacle de la bonne chère. Il y avait un côté un peu animal dans la manière de se nourrir aux yeux des gens du XVIIe siècle, de se nourrir auparavant. Il s'agit de désanimaliser le comportement à table. C'est très frappant à vous lire, Florent Quellier. Il y a effectivement une sorte d'offensive contre les convives pour essayer de contrôler tout ce qui pourrait renvoyer à l'animalité. Et ça, c'est un mouvement qui apparaît en réalité dès le XIIe, XIIIe siècle avec l'apparition des traités de civilité ou la réapparition des traités de civilité. L'objectif, c'est vraiment de contrôler son corps, de contrôler les bruits organiques. On le voit très bien dans la civilité puérile d'Erasme en 1530 où il présente mauvais gourmand, le glouton, le goinfre, comme quelqu'un qui se rapproche du loup, du porc, la cigogne, etc. Il y a derrière cette volonté de montrer que l'on est un être humain parce qu'on contrôle son corps. Et c'est pour ça, par exemple, que l'on va être très sensible à la discipline des horaires, avec l'interdiction de consommer entre les repas. Ah, ça, c'est très actuel. Éviter de consommer entre les repas, on trouve ça dans toutes sortes de publicités contemporaines. Et là, on a une continuité remarquable en Occident, parce que si l'on mange entre les repas, ça montre qu'on est incapable de se contrôler et donc qu'on est un animal et non un être humain. Il y a aussi l'usage des doigts, comme on mettrait sa patte avec apparition, à votre époque, instrument essentiel, de la fourchette. Alors fourchette qui a du mal à s'imposer. La fourchette qui la fourchette. Est présente dans les collections royales dès la fin du Moyen-Âge en France, mais c'est une fourchette à deux doigts qui sert à piquer des fruits, par exemple des fruits confits. On sait que la fourchette a été un petit peu utilisée au XVIe siècle par Catherine de Médicis. On la retrouve utilisée par Henri III. C'est même un thème qui est plaisamment développé dans le pamphlet L'île des Hermaphrodites en 1605, qui est un pamphlet contre la cour italianisée jusqu'au ridicule d'Henri III. Les mignons, etc. Avec les mignons. Donc il y a un côté un peu efféminé avec la fourchette. La fourchette disparaît avec Henri IV. On n'est pas du tout dans cette culture de table. Louis XIV mange avec ses doigts les matières grasses sont consommées avec ses doigts. Ça nous paraît assez dégoûtant, franchement. Pour le XVIIe, non. Pour nous, oui. Ça prouve l'évolution. Les sensibilités. Il y a une évolution des sensibilités et cette évolution a lieu au cours du XVIIe. C'est-à-dire que Louis XIV mange encore avec ses doigts. Il a été élevé dans les années 1640. Madame Palatine, sa seconde belle-sœur, femme de monsieur, mange également avec ses doigts et elle l'écrit dans sa correspondance sans aucun problème. Elle a été élevée dans les années 1650. Par contre, les petits-enfants de Louis XIV, le duc de Bourgogne, le duc d'Anjou et le duc de Berry, qui ont été élevés dans les années 1680-1690, à eux, on leur a enseigné par politesse l'usage de la fourchette. Et on voit très bien dans les traités de civilité que c'est dans les années 1680-1690 que la fourchette s'impose. Si vous prenez par exemple le traité de civilité françoise d'Antoine de Courtin, la première édition est 1671, il évoque pas la fourchette. Et dans les rééditions des années 1690, là on rajoute la fourchette. Et lorsque les petits-fils du roi sont acceptés à la table de Louis XIV, Louis XIV refuse l'usage des fourchettes en trouvant que c'est assez efféminé. Résultat, nous avons des représentations de repas de cour à la fin du XVIIe, début XVIIIe, où l'on voit à la même table des gens qui utilisent leurs doigts et d'autres qui utilisent la fourchette. Sémiologie de la fourchette. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est d'observation courante, la fourchette a triomphé. Elle a triomphé et elle triomphe à la table des élites au XVIIIe. Et après, il faudra prendre en compte au XIXe, XXe, la caserne, la cantine scolaire, etc. pour l'imposition de la fourchette, qui fait que maintenant, effectivement, tout le monde utilise la fourchette. Mais la fourchette a eu du mal à s'imposer. L'idée est d'essayer de séparer encore un peu plus l'aliment du corps par cette fourchette qui se met entre la main et l'aliment que l'on va piquer. Et normalement, la fourchette n'entre pas dans la bouche, contrairement à la cuillère. La cuillère, on met la cuillère dans la bouche, la fourchette, on ne prend avec les dents que la viande qui a été piquée par la fourchette, mais la fourchette normalement n'entre pas dans la bouche, ce qui montre bien cette volonté culturelle d'avoir l'espace le plus large possible entre l'aliment et soi. Même chose pour le couteau, on cesse de se curer les dents avec son couteau, ce qui est assez neuf. Alors c'est au XVIIe également, avec l'apparition des couteaux à bout rond, pour éviter justement que les convives ne se curent les dents devant d'autres convives. Et c'est là où on voit qu'au cours du XVIIe siècle, on essaye de rendre le spectacle de l'autre en train de manger beaucoup plus agréable, mais on a encore des cas de gloutonnerie et de goinfrerie à table, y compris à Versailles. Le mot goinfre a d'ailleurs évolué. Le mot goinfre évolue effectivement au cours du XVIIe siècle. Le goinfre, à l'origine, c'est un bon compagnon, sans façon, sans manière, sans chichier. Donc cette dégradation du sens est significative. Alors la dégradation montre bien cet impact dans les années 1650-1670 concernant les bonnes manières. C'est-à-dire que dans la première moitié du XVIIe, goinfre a encore un sens qui peut être positif, le bon compagnon. C'est les bons compagnons d'Henri IV. Les fameux Gascons, qu'on va voir après au XVIIe, XVIIIe et dans la littérature du XIXe, dans les romans de Capet-d'Épée, par exemple. Ce sont également les compagnons de Gaston d'Orléans, frère du roi, qui aime à fréquenter les cabarets parisiens. Et dans la seconde moitié du XVIIe siècle, le goinfre, c'est la personne qui n'a pas d'éducation. Et donc là, ça devient une sanction sociale. Il y a une sanction sociale. Le goinfre, c'est celui qui n'a pas été élevé et qui n'a pas la naissance, qui n'a pas le rang. Ce qui n'était pas le cas dans la première moitié du XVIIe. Ces glissements sémantiques sont toujours très, très instructifs. Mais je voudrais en venir à un personnage important au cœur de cette histoire des manières de table au XVIIe siècle que nous évoquons ensemble aujourd'hui, Florent Quellier, c'est le maître d'hôtel. Il s'est incarné dans les mémoires, dans la personnalité de Vatel, ce maître d'hôtel essentiel du prince de Condé qui, le jour où on reçoit le roi, s'aperçoit avec horreur ou croit s'apercevoir que la marée n'est pas arrivée et qui se donne la mort. À ce propos, je vais vous faire entendre un texte célèbre qui est la lettre de Madame de Sévigné à sa fille, Madame de Grignan, qui évoque cet épisode si triste de la mort de Vatel à Chantilly. C'est une lettre du 26 avril 1671 qui est ici lue par l'admirable Gisèle Casadesus en 1960. Elle est aujourd'hui centenaire et vous me permettrez de lui dédier cette citation. Le roi arriva jeudi au soir. La chasse, les lanternes, le clair de lune, la promenade, la collation dans un lieu tapissé de jonquilles, tout cela fut à souhait. On soupa, il y eut quelques tables où le rôti manqua, à cause de plusieurs dîners où l'on ne s'était point attendu. Cela saisit Vatel. Il dit plusieurs fois, « Je suis perdu d'honneur, voici un affront que je ne supporterai pas. » Il dit à Gourville, « La tête me tourne, il y a 12 nuits que je n'ai dormi, aidez-moi à donner des ordres. » Gourville le soulagea en ce qu'il put. Ce rôti qui avait manqué, non pas à la table du roi, mais au 25e, lui revenait toujours à la tête. Monsieur le prince alla jusque dans sa chambre et lui dit, « Va-t-elle, tout va bien, rien n'était si beau que le souper du roi. » Il lui dit, « Monseigneur, votre bonté m'achève. Je sais que le rôti a manqué à 2 tables. »« Point du tout, dit monsieur le prince, ne vous fâchez point, tout va bien. » La nuit vient. Le feu d'artifice ne réussit pas, il fut couvert d'un nuage. Il coûtait 16 000 francs. À 4 heures du matin, Vatel s'en va partout. Il trouve tout endormi. Il rencontre un petit pourvoyeur qui lui apportait seulement 2 charges de marée. Il lui demande, est-ce là tout? Il lui dit, oui, monsieur. Il ne savait pas que Vatel avait envoyé à tous les ports de mer. Il attend quelque temps. Les autres pourvoyeurs ne viennent point. Sa tête s'échauffait. Il croit qu'il n'aura point d'autre marée. Il trouve Gourville et lui dit, « Monsieur, je ne survivrai pas à cet affront-ci. J'ai de l'honneur et de la réputation à perdre. » Gourville se moqua de lui. Vatel monte à sa chambre, met son épée contre la porte et cela passe au travers du cœur. Mais ce ne fut qu'au 3e coup, car il s'en donna 2 qui n'étaient pas mortels. Il tombe mort. La marée, cependant, arrive de tous côtés. On cherche Vatel pour la distribuer. On va à sa chambre, on heurte, on enfonce la porte. On le trouve noyé dans son sang. On court à Monsieur le Prince, qui fut au désespoir. Monsieur le Duc pleura. C'était sur Vatel que roulait tout son voyage de Bourgogne. Monsieur le Prince le dit au roi fort tristement. On dit que c'était à force d'avoir de l'honneur en sa manière. On le loua fort, on loua et blâma son courage. Mais c'était trop tard pour le pauvre Vatel. Cependant, Gourville tâche de réparer la perte de Vatel. Elle le fut. On dîna très bien, on fit collation, on soupa, on se promena, on joua, on fut à la chasse. Tout était parfumé de jonquilles, tout était enchanté. Très beau texte, non? Le duc d'Enghien qui pleure, et qui pleure essentiellement parce qu'il n'a plus les moyens de tenir son rang de la même façon. Et puis ce personnage de Jean Héroux de Gourville, qui est assez significatif d'une ascension sociale par les réalités et les exigences de la bonne table. Alors Gourville est un témoignage exceptionnel sur l'utilisation de la table pour réussir une très très belle ascension sociale, puisqu'il va terminer homme de confiance de Condé, alors qu'il a débuté comme simple valet de La Rochefoucauld. Et on voit très bien qu'il utilise la table pour se créer un réseau, que ce soit en France, que ce soit dans les Pays-Bas espagnols après la Fronde, lorsqu'il est obligé de quitter le pays, hein, puisqu'il était du côté des frondeurs, ou lorsqu'il va en Espagne. Il est même envoyé par le Grand Condé en Espagne en 1669 afin de récupérer les promesses du défunt Philippe IV. Philippe IV avait promis notamment de l'argent à Condé pour que Condé aille du côté espagnol contre les troupes de Louis XIV. Là, ça nous conduirait vers l'utilisation des prestiges de la table du côté d'une diplomatie efficace. On retrouve encore cela avec la table de Talleyrand au moment du congrès de Vienne en 1815. Exactement. On voit très bien que la table est utilisée comme un moyen de diplomatie et que cela est déjà présent sous l'Ancien Régime. Et d'ailleurs, quand vous prenez dans le dictionnaire de Furtière la notice traité, on nous dit que l'ambassadeur a toujours un coffre avec de l'argent pour pouvoir traiter dignement. On a bien cette idée que le train de vie de l'ambassadeur, c'est aussi la table. La table, c'est une façon d'attirer les gens qui comptent, de pouvoir leur faire plaisir et d'essayer de prolonger le plaisir de la bonne chère par des conversations et essayer d'obtenir les renseignements que l'on espérait. Dans le cas de Vatel, sa mort vient gâcher la cérémonie où Condé reçoit, événement majeur, Sa Majesté, le roi Louis XIV. Et c'est peut-être pour cela que l'épisode prend tant d'importance. C'est peut-être d'ailleurs pour cela que Vatel s'est tué. Alors Vatel se tue très probablement par surmenage en fait. C'est quelqu'un qui est épuisé parce que vous avez plusieurs jours de festivités et ce n'est pas rien quand on reçoit le roi et la cour, d'autant qu'il s'agit d'une opération de séduction de la part du Grand Condé. Hein. Voilà. C'est l'objectif évidemment de revenir complètement en grâce auprès de son cousin. Derrière, il y a des enjeux militaires, il y a la guerre de Hollande qui se prépare. Vatel le savait tout. Alors, ça. C'est Vatel est un homme de confiance. D'où le poids psychologique sur ses épaules. Il faut garder à l'esprit que le maître d'hôtel est un homme de confiance. Vatel, en plus, a été le maître d'hôtel de Fouquet. Et, Fouquet qui a été disgracié, commencé par Louis XIV. Et donc exactement, il, oui. Il a pu se rétablir dans la faveur du roi. On est effectivement sur cette obligation de faire bonne figure devant le roi. C'est-à-dire que Vatel joue son honneur et l'honneur de son maître. Dans la bonne chère, le personnage le plus important, c'est le maître d'hôtel et absolument pas le cuisinier, contrairement aujourd'hui. Le cuisinier, il relève d'un monde bas et mécanique. Il est dans les cuisines, il est souvent présenté comme un personnage sale, gros, ivrogne. Donc on ne le montre pas, il n'y a pas de cuisinier en salle, il n'y a pas de cuisinier qui irait devant les convives, c'est le maître d'hôtel. Le maître d'hôtel qui paraît devant les convives, et c'est le maître d'hôtel qui décide du menu, c'est le maître d'hôtel qui gère les approvisionnements, c'est le maître d'hôtel qui va décider du plan de table. Il est un petit peu comme un chef d'orchestre. Dans c'est le maître des cérémonies, c'est un peu le chef du protocole aussi. Exactement, donc il doit connaître l'étiquette, puisque dans le repas à la française, les rangs sont essentiels. On voit très bien au 18e, 19e que les cuisiniers vont essayer progressivement de récupérer les attributs du maître d'hôtel afin de se valoriser. Le premier cuisinier qui va essayer de cumuler à la fois la fonction de maître d'hôtel et de cuisinier, c'est Carême. Et c'est pas innocent que ce soit Carême. Carême, qui au départ a une formation uniquement de pâtissier, ce qui est moins bien vu qu'une formation de cuisinier, lorsqu'il commence à être connu sous le Premier Empire, Carême se veut maître d'hôtel cuisinier. C'est son rêve. C'est-à-dire servir une famille, et non pas ouvrir un restaurant, et servir une famille comme un maître d'hôtel. Alors je voudrais maintenant que nous en venions à l'aspect plus sévères de cette histoire de la bonne chère, c'est-à-dire les périls qu'elle comporte aux yeux des contemporains, à la fois des médecins et des moralistes. La Fontaine, qui n'était pas excessivement soumis aux impératifs de la morale courante, l'évoque avec un esprit plaisant dans un conte très très bref qui s'appelle Le Glouton, on retrouve vos gloutons, et qui est lu ici par Daniel Tarrard dans l'émission de Bouche à oreille du 7 février 1999, la grande émission de René Elkaïm Bollinger qui a tant marqué l'histoire de France Culture dans le champ qui nous occupe ce matin, celui de la bonne chère. À son souper, un glouton commande qu'on lui apprête pour lui seul un esturgeon, sans en laisser que la tête. Il soupe, il crève. On y court, on lui donne main clistère, on lui dit, pour faire court, qu'il mette ordre à ses affaires. « Mes amis, dit le goulu, m'y voilà tout résolu. Et puisqu'il faut que je meure sans faire tant de façon qu'on m'apporte tout à l'heure le reste de mon poisson. » Voici donc les excès blâmés de la table autour du poisson dont nous avons encore assez peu parlé, Florent Quellier. Alors il existe une vraie culture gastronomique du poisson. Qui pour le vendredi en particulier. Pour le vendredi et tous les jours maigres, il y en a plus de 150 dans l'année à l'époque moderne. Dans cette France catholique, le poisson a un statut important. Il y a un maigre gastronomique et il y a une culture du poisson que l'on voit très bien dans ce conte de La Fontaine. Le poisson, c'est un esturgeon. C'est-à-dire un poisson considéré comme royal. Ce glouton, qui est en même temps un friand, se réserve la tête. Et dans les traités culinaires et les traités de civilité du XVIIe siècle, on nous explique bien que le meilleur morceau du poisson, c'est la tête. Montaigne, dans les essais, disait « Je suis friand de poisson et fais mes jours gras des maigres et mes fêtes des jours de jeûne. » Effectivement, c'est une des grandes caractéristiques de ce maigre gastronomique, c'est-à-dire que l'on respecte à la lettre l'interdit de viande, mais absolument pas l'esprit de pénitence. C'est-à-dire qu'on fait bonne chère en maigre avec des poissons et il y a toute une cuisine du poisson particulièrement inventive qui permet de respecter le maigre mais en mangeant des poissons frais, des tourbeaux, des sols avec des coulis de truffes, etc. Et c'est une pénitence. Alors qu'en disent les confesseurs ? Alors les confesseurs sont assez mesurés en réalité puisque pour le confesseur, il faut prendre en considération le rang social du pénitent, sa naissance, son âge. Les plus critiques, ce sont les protestants, puisque pour les protestants, c'est bien la preuve de l'hypocrisie papiste, pour reprendre un vocable protestant. Du côté catholique, il y a un courant rigoriste, minoritaire, mais qui existe et qui critique ce comportement. Ah, mais j'observe que dans Télémaque, le fameux traité d'éducation de Fénelon, j'observe qu'on est du côté de cette moralité stricte, puisque à la fin, le jeune Télémaque conclut que, je cite, « les plaisirs des sens, quelque variés, quelque faciles qu'ils soient, avilissent et ne rendent point heureux. Je m'éloignais donc de ces contrées en apparence si délicieuses, » il s'agit en particulier des plaisirs de la bouche, « de ces contrées en apparence si délicieuses et de retour chez moi, je trouvais dans une vie sobre, dans un travail modéré, dans des mœurs pures, dans la pratique de la vertu, le bonheur et la santé que n'avait pu me procurer la continuité de la bonne chère et la variété des plaisirs. » Fin de citation. Pour Fénelon, il y a un lien entre la pratique de la bonne chère et le risque d'amollissement. Et là, on est sur un élément qu'on peut déjà trouver dans la période antique, en fait, ce lien entre les tyrans orientaux, par exemple, qui mangent beaucoup et qui sont dans une forme d'amollissement, contrairement au corps ferme, viril de quelqu'un qui se contient. Et chez Fénelon, il y a très certainement cette référence. Et il y a également le constat des ravages de la goutte dans l'entourage royal. Si vous prenez la correspondance de Madame de Maintenon, vous avez plus de 80 lettres où elle évoque la goutte, et pas uniquement pour Louis XIV. Rappelez-nous ce que c'est que la goutte, qui est omniprésente, effectivement. Alors, la goutte, c'est un problème de circulation du sang et qui entraîne des difficultés pour se mouvoir et qui peut entraîner des douleurs particulièrement vives aux articulations. Et alors, on disait à l'époque qu'il fallait donner le cœur de petits oiseaux ou de gros oiseaux au malade pour le guérir, ou en tout cas pour soulager ses douleurs extrêmes. Oh non, c'est incroyable! Mais où sont passés les oiseaux? Le vicomte a ordonné qu'on ouvre leur cage. Le vicomte? Quel vicomte? Le vicomte d'Orboise, docteur, et sa jeune sœur. Ils me l'ont ordonné. Mais ce sont des enfants, de petits enfants. Il n'en est pas moins, vicomte. Mais c'est le pied des oiseaux du prince. Comment vais-je faire? C'est un désastre. J'avais commandé ces grives et ces alouettes pour la goutte du prince. Cette goutte qui le met à l'agonie aujourd'hui. Et comment vais-je faire? Usez d'autres moyens. Oh, usez d'autres moyens. Usez d'autres moyens. Le cœur. Tout fraîchement arraché d'un volatile. Il n'est d'autre traitement pour la goutte. Et tout le monde le sait. Des poulets, alors? Des poulets. C'est un prince. Le cœur de poulet, c'est pour les paysans. Monsieur Vatel! Monsieur Vatel! C'était là un extrait du très beau film de Roland Joffé, Vatel, en 1999, et on a reconnu dans le rôle-titre Gérard Depardieu. Donc les oiseaux pour guérir la goutte, ça nous paraît un peu farfelu aujourd'hui. Alors pour nous peut-être, même probablement effectivement, pour la pharmacopée classique, moins, puisque les oiseaux renvoient à une nourriture qui est considérée comme saine, beaucoup plus que la viande rouge, que la viande des quadrupèdes. Les volatiles, dans une grande chaîne de lettres, comme l'avait bien montré Hélène Gréco dans ses travaux sur la Renaissance, dans la grande chaîne de lettres, les volatiles sont plus proches de Dieu que les quadrupèdes qui sont sur Terre, et donc on a une alimentation plus saine, obligatoirement une chair plus saine, avec ces volatiles. Ce qu'on peut donc comprendre par une association d'idées entre cet imaginaire positif des volatiles dans la diététique ancienne et la volonté d'essayer de soigner la goutte, cette maladie sociale qui fait des ravages au sein de l'aristocratie. Et qu'on ne rattache pas forcément à la gloutonnerie ou à l'excès de consommation des fruits. Il y a cette fameuse tentation chez beaucoup de manger trop de melons ou de manger trop de haricots. Alors, on fait le lien entre la goutte et l'alimentation, on fait le lien entre la goutte et la gloutonnerie. On a un discours médical qui est hostile à la gloutonnerie, qui est hostile au ragoût, c'est-à-dire ces plats qui poussent à toujours manger davantage. Le ragoût, hein, qui est un terme typiquement 17e, ragoût veut dire rajouter du goût afin de pousser les convives à manger toujours plus. Et le ragoût, c'est vraiment le symbole pour les médecins de des dangers de la table. Le fait de manger trop, plus que ses besoins. Eh bien, nous resterons, si vous le voulez bien, je suis sûr que vous le voudrez bien, Florent Quélier, sur cette ambivalence de la bonne chère, après avoir vérifié que les comportements de table dans les différentes couches de la société renseignent sur les équilibres de celle-ci, ses spécificités à un moment donné. Vous venez de nous le montrer de belle façon et je vous en sais gré. L'ouvrage sur lequel nous avons fait fond pour cette conversation s'intitule « Festin, ripaille ». Ripaille, vous nous avez dit que l'étymologie du mot était moins assurée que de l'affirmer Furtière, mais tant pis. Festin, ripaille et bonne chère au grand siècle, c'est un ouvrage qui est paru chez Belin en 2015. Je renverrai aussi, parmi d'autres travaux que vous trouverez sur notre site, je renverrai au livre qui s'intitulait « Gourmandise, histoire d'un péché capital ». C'est un des sept péchés capitaux, en effet. Nous dit-on, paru chez Armand Collin en 2010 et qui, signe de succès, a été réédité en poche en 2013. Et puis je ne peux pas me dispenser de rendre hommage à l'émission d'Alain Kruger. Chaque dimanche, entre midi et 12h30, on ne parle pas à la bouche pleine, puisque j'ai eu l'audace de marcher sur ses plates-bandes. Vous pourrez, outre cette bibliographie complète sur notre site, trouver les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez écouter, réécouter, vous le savez, télécharger cette émission et, si vous le souhaitez, nous dire par courriel vos réactions. Samedi prochain, nous parlerons des emblèmes pour la France, puisque nous constatons que le drapeau en particulier, et puis la Marseillaise, fleurissent à nouveau dans notre pays. Au long des âges, des emblèmes pour la France, et je recevrai pour cela notre cher Michel Pastoureau. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet pour ce nouvel an. Une émission préparée par Nathalie Lempereur, avec Jeanne Guéroux aussi, une émission réalisée par Patrick Molinier pour notre bonheur hebdomadaire, avec Bernard Lagnel à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Nathalie Durand pour les archivinas. Et voici maintenant, dans quelques instants, Christine Ockrent pour Affaires étrangères.